L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Des traces de lithium ont été découvertes pour la première fois dans la matière éjectée de l'explosion d'une nova. Nova Centauri 2013. Ce qui permet de mieux comprendre maintenant pourquoi les vieilles étoiles semblent contenir moins de lithium que prévu et les jeunes étoiles plus que prévu. L'équipe européenne menée par Luca Izzo de l'Université La Sapienza de Rome a utilisé deux télescopes de l'ESO installés au Chili, le télescope MPG de 2,20 m et un plus petit de 50 cm pour étudier le spectre de la lumière de cette nova qui était apparue dans le ciel austral le 2 décembre 2013. Dénommée V1369 Centauri, mais aussi donc Nova Centauri 2013 pour faire plus explicite. Nova Centauri 2013 est la nova la plus brillante observée depuis un siècle et était facilement visible à l'œil nu non loin de l'étoile brillante Beta Centauri. Le lithium est un élément chimique léger, le troisième dans la table de Mendeleïev, venant juste après l'hélium et l'hydrogène. Et comme eux, serait issu de la nucléosynthèse primordiale, dans les quelques premières minutes qui ont suivi le Big Bang. Depuis de nombreuses années, la quantité de lithium observée dans les étoiles pose de sérieuses questions aux spécialistes. Certaines vieilles étoiles n'en avaient que très peu, et des étoiles plus jeunes en montraient une quantité jusqu'à 10 fois plus importante que ce qu'elle aurait dû être. L'idée que du lithium puisse être expulsé dans le milieu interstellaire par des explosions d'étoiles, des novas, puis serve ensuite à composer de nouvelles générations d'étoiles, remonte à il y a plus de 40 ans. Mais aucune preuve observationnelle tangible n'avait pu être fournie. C'est donc maintenant chose faite, grâce à Luca Izzo et ses collègues qui publient leurs observations dans The Astrophysical Journal Letters. Les mesures spectroscopiques de la lumière de Nova Centauri 2013 révèlent clairement la présence d'une raie d'absorption du lithium qui est décalée vers le bleu. Ce décalage vers le bleu montre que le lithium fait partie de la matière éjectée par l'explosion à grande vitesse dans notre direction, avec une vitesse de l'ordre de 2 millions de kilomètres heure. Et il s'agit donc de la première détection de ce genre dans une nova. Massimo Della Valle de l'Observatoire astronomique de Naples, co-auteur de l'étude, précise l'importance de cette découverte. Si nous nous figurons l'histoire de l'évolution chimique de la Voie lactée sous l'aspect d'un puzzle, alors, le lithium en provenance des novas en constituait l'une des plus importantes et des plus énigmatiques pièces manquantes. En outre, tout modèle de Big Bang est susceptible d'être remis en question tant que l'énigme du lithium n'est pas résolue. La masse du lithium éjectée par Nova Centauri 2013 peut paraître relativement faible, moins d'un milliardième de la masse du Soleil. Mais il ne faut pas oublier qu'au cours de la vie de notre galaxie, plusieurs milliards d'étoiles ont produit des explosions de type nova. Le phénomène à lui seul permet donc d'expliquer les quantités de lithium présentes au sein de la galaxie et disponibles pour la formation des nouvelles étoiles. Cette belle découverte permet de mieux cerner l'évolution chimique de notre galaxie et constitue une avancée importante pour l'étude de la composition des étoiles. L'article de Luca Izzo et ses collaborateurs est donc paru dans The Astrophysical Journal Letters 808, paru le 20 juillet 2015, et il s'intitule « Early Optical Spectra of Nova V1369 SEN Show Presence of Lithium ». À très bientôt sur Ça se passe là-haut. Restez bien à l'écoute, les yeux ouverts sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr